السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivent sur les radios du Masjid al-Rahman. Et ceux qui sont présents avec nous dans la mosquée, barakallahu fihim jami'an. Et nous allons donc aujourd'hui commencer cette assise qui se veut être une assise qui sera le début d'une série d'assises qui durera à peu près 30 à 40 minutes maximum, inshallah, concernant différentes thématiques. Et elles auront lieu après Tarawih jusqu'à la fin de Ramadan, bi'idhnillahi azza wa jal. نسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق بالقول والعمل أن يحسن ختامنا أجمعين. Donc l'assise d'aujourd'hui va porter sur une thématique qui est importante, c'est-à-dire l'istiqama. Nous allons voir 10 principes concernant relatifs à la droiture. Qu'est-ce que la droiture? Comment obtient-on la droiture? Comment être préservé et rester sur la droiture? Et comprendre qu'est-ce que la droiture, c'est un sujet qui est important. Car la pratique de Ramadan, la pratique de la prière, la pratique du jeûne, fait partie de la manifestation de la droiture. Mais la droiture, c'est avant Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan. Car beaucoup de nos jeunes, malheureusement, se mettent sur la droiture, se mettent sur la pratique religieuse durant Ramadan, puis retournent à un style de vie qui n'est pas approprié, qui ne plaît pas à Allah, dès le jour du Eid. Ceci ne sied pas. Et donc, il est important de comprendre le sujet de l'istiqama, la droiture. Sachant que ceux qui seront sur la droiture bénéficieront du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah » C'est-à-dire, certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah »« Thumma istaqamu » Puis ils ont été sur la droiture, c'est-à-dire dans la rectitude, dans la pratique de la religion. « Fala khawfun alayhim » Nulle peur sur eux. Voilà, hum yahzanun. Et ils ne seront point attristés, c'est-à-dire ils ne seront point affligés. Oulaika ashabul jannah. Ceux-là seront les habitants du paradis. Khalidina fiha. Dans lequel ils y seront pour l'éternité. Jaza'an bima kanu ya'malun. En récompense de ce qu'ils ont accompli comme œuvre, c'est-à-dire durant leur vie. Et dans un autre passage, sachant que ce verset a été mentionné dans Surat Al-Ahqaf, et dans un autre verset de Surat Fussilat, Allah Azza wa Jalla a dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah » Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah »« Thumma istaqamu » Puis qui ont été sur la droiture dans la pratique de la religion, « Tadanazzalu alayhimul malaika » Les anges descendent vers eux. « Ala takhafu wa la tahzanu » N'ayez point peur et ne soyez pas attristés. Wa abshiru bil jannah et recevez la bonne annonce du paradis. Allati kuntum tu'adun qui vous avait été fait promesse. Al-ayat. Et donc le sujet de la droiture nécessite une connaissance des principes relatifs à ce sujet. Sachant que comme on l'a vu, ceux qui se tiendront sur la droiture, qui auront connu la droiture et qui auront pratiqué en conformité à ça, à cette voie, rentreront au paradis qu'Allah me l'accorde ainsi qu'à vous. Donc le premier principe que je voudrais que vous reteniez, c'est le fait que l'istiqama, c'est un don d'Allah. C'est le fait d'être sur la droiture, d'avoir le tawfiq, d'avoir le succès du fait d'être sur la droiture, de connaître la guidance, d'être guidé vers le droit chemin et d'être sur le droit chemin, c'est un bienfait qu'Allah accorde à qui il veut. Et tout dépend d'Allah. Et Allah guide qui il veut de par sa grâce, et Allah égare qui il veut de par sa justice à son égard. Comme l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani l'avait mentionné dans sa Muqaddima. Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Nisa, avait dit وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَاذُونَ بِهِ C'est-à-dire, s'ils s'étaient acquittés de ce qu'on les avait exhortés de faire, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا Ça aurait été un bien pour eux et plus à même de raffermir leur foi. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا Et nous leur aurions accordé de notre part une récompense grandiose. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Et nous les aurions guidés vers un droit chemin. Donc on doit retenir que le droit chemin, celui qui guide vers lui, qui oriente vers lui et qui accorde le succès d'être sur ce droit chemin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah azawajal a mentionné فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ. Quant à ceux qui ont cru en Allah, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, et qui se sont cramponnés à lui, سَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ. Il les fera rentrer dans une miséricorde venant de lui, وَفَضْلٍ, et de bénéficier d'une grâce, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, et les guidera vers lui par un droit chemin. Donc on voit que la guidance vers le droit chemin est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, de ce fait, qu'est-ce que l'on doit tirer comme enseignement de cela? Le fait d'implorer de la part d'Allah qu'il nous accorde sa guidance. Car dès qu'on comprend que la guidance dépend d'Allah, que la guidance est un don d'Allah, et qu'Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs, on doit comprendre qu'on doit lui demander qu'il nous guide. Et c'est ce qui est légiféré de faire dans sourate Al-Fatiha. Et Ihdina Sirata Mustaqim. Il est légiféré 17 fois par jour de le demander, minimum, ne serait-ce que par les 5 prières. Si la personne fait les rawatib, ça fait 29 fois par jour. Si la personne fait en plus taraweeh, ça fait 40 fois par jour. Donc 40 fois par jour, pendant la période de Ramadan, par exemple, tu vas être amené à demander 40 fois qu'Allah te guide. Et la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus, parmi elles, il y a Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik, c'est-à-dire, ô toi qui oriente les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. C'est-à-dire, al-thabat ala l'istiqam. Le deuxième principe qu'il faudrait comprendre et retenir, c'est que la droiture consiste et implique le fait de rester constant sur le droit chemin. Non. Justement, nous allons bénéficier du tafsir du verset qui a été mentionné. Lorsque nous avons dit qu'Allah a dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, puis qui se sont tenus sur la droiture. L'imam Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, parmi les Khulafa ar-Rashidin, a dit ce sont ceux qui n'ont donné aucun associé à Allah. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avait récité ce verset. Avait récité le verset Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Faqala lam yaruhu rawana al-tha'lab. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de ruser dans la religion à la manière du renard. Et concernant ce verset, Abdullah ibn Abbas avait dit Yani thumma istaqamu, c'est-à-dire puis ils ont été sur la droiture, c'est-à-dire à la shahadati an la ilaha illallah. C'est-à-dire sur la concrétisation et la conformité à ce qu'implique l'attestation de nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et également, il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas qu'il a expliqué ce verset en disant Istaqamu ala ada et fara'idi. Ils se sont mis sur la droiture dans le sens où ils se sont acquittés de ses obligations religieuses. Et Abu al-Aliya, parmi les tabi'in, qui sont des sommités, il fait partie des sommités dans le tafsir, avait expliqué thumma akhlasu lahu ad-din wal 'amal. Ils lui ont voué un culte et une œuvre pure, c'est-à-dire une œuvre purement accomplie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième principe qu'il faudrait retenir concernant la droiture, c'est que la base de la droiture est la droiture du cœur. C'est-à-dire que si tu veux que ton corps fasse des œuvres droites, des œuvres pieuses, il faut que tu rectifies ton cœur d'abord. En effet, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, qui rapporte un hadith d'Anas ibn Malik, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit alayhi salatu wa sallam, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuh. C'est-à-dire que la foi du serviteur ne sera correcte qu'une fois que son cœur sera sur la droiture. Donc la base de la droiture revient à la droiture du cœur. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah a dit fa aslu istiqamati istiqamatu al-qalbi ala at-tawhid. La base, l'origine de la droiture est la rectitude du cœur par le tawhid. Car le tawhid est une purification du cœur. Et concernant l'explication du verset, Inna alladhina qalu Rabbuna Allah, thumma istaqamu, parmi les interprétations rapportées des Sahaba, celle d'Abu Bakr as-Siddiq, et qui est justement, qui corrobore et qui va dans le sens de ce que Ibn Rajab al-Hanbali avait mentionné. En effet, il avait dit, Bi'annahum lam yaltafitu ila ghayri. C'est-à-dire qu'ils se sont orientés en dehors de nul autre que qu'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le tawhid. Et comment se concrétise cela? L'istiqama de la personne par la droiture du cœur se concrétise par la connaissance d'Allah, par la crainte d'Allah, et un profond respect, une vénération à son égard, et une crainte révérentielle, une soumission, et le fait de l'aimer, d'orienter nos intentions vis-à-vis de lui, c'est-à-dire le fait de chercher à l'adorer et de le satisfaire lui, de l'invoquer, de placer notre confiance en lui et de nous détourner de tout ce qui est en dehors de lui. Et de conformer, de faire en sorte que nos actes soient des actes conformes à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, tout commence avec le cœur. Et les ulémas ont expliqué que la connaissance d'Allah est la clé de la résolution du problème de la désobéissance. En effet, cher l'islam Ibn al-Qayyim, avait dit que celui qui connaît Allah par ses noms, ses attributs, ses actes va l'aimer, c'est inéluctable. Et celui qui augmente dans l'amour d'Allah va vouloir lui obéir. Et celui qui augmente dans la connaissance d'Allah va être craintif vis-à-vis d'Allah. Car il va redouter son courroux, son châtiment, sa colère. Car il sait que son châtiment est terrible. Et donc ceci va l'aider à délaisser les péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi une corrélation, c'est-à-dire un lien entre le cœur et les actes du corps. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit Inna fil jasad mudra. C'est-à-dire que dans le corps, il y a un morceau de chair. Idha salahat, salaha al jasad kullu. Si ce morceau de chair est sain et sayen, c'est-à-dire qu'il est sur un bon état, une bonne situation, alors le reste du corps le sera. Wa idha fasadat, fasada al jasad kullu. Et s'il est corrompu, alors le corps tout en entier sera dans la corruption. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait établi la corrélation entre le cœur et le corps, c'est-à-dire les membres du corps, comme un roi. C'est-à-dire que le cœur est comme le roi et les membres du corps sont comme les soldats d'une armée. Donc en fonction de la rectitude ou de la déviance du cœur, donc du roi, en découlera la droiture ou la déviance de l'armée. Car l'armée obéit au cœur. Donc la rectitude du cœur amènera et provoquera la rectitude des membres. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant Yom al-Qiyamah, Yom la yanfa'u malun wa la banun, un jour durant lequel ne bénéficieront aucunement les biens ni le fait d'avoir des enfants, illa man ata Allah bi qalbin salim. Il ne sera utile que pour le serviteur qui viendra à la rencontre d'Allah avec un cœur saint. Et donc, il fait partie également de la bonne conduite du musulman, le fait d'implorer Allah pour qu'Allah lui accorde un cœur bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, comme rapporté par l'imam Ahmed, l'imam An-Nasa'i, et qui a été mentionné par Cheikh Al-Albani dans As-Sahiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma inni as'aluka qalban salima. Oh Allah, je te demande de m'accorder un cœur saint. Le quatrième principe relatif à la droiture. La droiture qui est requise du serviteur, c'est-à-dire la droiture dans la pratique du dîn, c'est le fait d'accomplir ça de la meilleure des manières. Et si la personne n'en est pas capable, de faire du mieux qu'il peut, c'est-à-dire selon ses compétences, selon sa capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans un hadith, a dit: Inna ad-din yusr. C'est-à-dire que cette religion est une facilité. Wa lan yushadda ad-din ahadun ila ghalaba. Et nul n'exagérera dans la religion sans que cela ne prenne le dessus sur lui. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Donc, cherchez donc l'exactitude, c'est-à-dire de faire la meilleure des manières, ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous du bien sur lequel vous êtes. Et c'est pour ça que parmi les invocations qui ont été transmises du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la dua que Ali ibn Abi Talib s'est vu enseigner par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il lui a dit, s'adressant à Ali ibn Abi Talib, Qul Allahumma, Allahumma hdini wa saddidni. C'est-à-dire, oh Allah, guide-moi et permets-moi d'atteindre l'exactitude, de t'adorer correctement, de la meilleure des manières. Et on a une allusion à la déficience du serviteur dans le Coran al-Karim. Car dans Sourate Fussilat, Allah a dit, Fastaqimu ilayhi, c'est-à-dire, soyez droit vers lui, c'est-à-dire vers Allah, dans votre pratique religieuse. Wastaghfiruh, et demandez-lui son pardon. Qu'est-ce que ceci indique? Ça veut dire que quoi que tu fasses de ta nature humaine, ça va faire que tu ne seras pas parfait dans ton adoration et dans ta dévotion. Donc fais du mieux que tu peux, fais de la meilleure des manières et demande le pardon d'Allah quant à tes manquements qui surviendraient dans ton adoration. On va tous être amenés à avoir des manquements. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est légiféré après la salat de faire quoi? Après les taslimatayn, l'istighfar. Le fait de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tu viens de faire une adoration qui fait partie de l'istiqama, de la droiture. Puis tu demandes le pardon. Pourquoi? Pour les manquements qui auraient émané de ta part dans ton adoration. Il en est de même dans ta pratique religieuse. Ensuite, le cinquième principe important, c'est que la droiture est liée au aqwal, au af'al et au niyat. C'est-à-dire que la droiture religieuse, ça va se manifester dans les paroles, dans les actes et dans les intentions que tu as dans ton cœur. Sachant que la niyat, comme les ulémas l'ont expliqué, mahalluha al-qalb, son lieu est le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. La foi d'une personne ne sera correcte qu'une fois que son cœur sera sur la droiture. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Et son cœur ne sera droit qu'une fois que sa langue sera droite. Il faut comprendre un principe important. Tes actes ont une influence sur ton cœur et ton cœur a une influence sur tes actes. C'est-à-dire que si ton cœur est droit, ça va pousser tes actes à être des actes pieux. Et tes actes pieux ont une influence sur ta foi. Et ta foi, elle augmente et donc tu augmentes en bonnes œuvres. C'est un cercle vertueux. Mais également, les actes ont une influence sur le cœur. Dans le sens où la personne qui se laisse aller au péché, ça va influencer sa foi. Et sa foi, si elle diminue, ça va le pousser à se laisser aller à d'autres péchés. Et une fois qu'il va faire d'autres péchés, ça va influencer sa foi. Et là, il sombre dans un cercle vicieux et seul Allah pourrait l'en sauver. Et donc, il faut impérativement rectifier son cœur, sa langue et ses membres. En effet, nous avions vu dans le hadith précédemment mentionné le lien qu'il y avait entre les actes du corps et le cœur. Mais il y a également un hadith dans lequel il y a la mention de ce qui est relatif à la place de la langue. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha asbaha ibn Adam, c'est-à-dire que lorsque le fils d'Adam s'élève au matin, fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan, tous ses membres se font humbles devant la langue, les membres de son corps se font humbles vis-à-vis de la langue. Fa taqul ittaqillaha fina, crains Allah nous concernant. Fa inna ma nahnu bik, car notre situation dépend de la tienne. Et donc, si tu es droite, c'est-à-dire toi la langue, si tu es sur la droiture, nous le serons aussi. Et si tu dévies, nous dévierons avec toi. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, la dernière des choses à laquelle nous faisons attention lorsque nous voulons nous mettre sur la droiture, c'est ce que l'on dit avec nos langues. Sachant que tout ce que l'on dit est noté. Le sixième principe, et nous nous arrêterons au dixième, inshallah. Le fait que l'istiqama se fait par rapport à trois choses. C'est-à-dire que l'istiqama, la droiture religieuse, est accomplie pour Allah. Ensuite, avec l'aide d'Allah. Et troisièmement, en conformité à l'ordre d'Allah. C'est-à-dire que la droiture, ce n'est pas comme tu as envie. La droiture religieuse, ce n'est pas selon ta conception, ton envie, ton appréhension personnelle ou ta culture. La droiture religieuse est selon l'ordre d'Allah. Concernant le premier aspect, concernant le fait que ceci est fait pour Allah, Allah a dit dans Sourate Al-Bayyinat, donc, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur fut ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc tu dois te mettre sur la droiture, non pas pour les gens, non pas pour les éloges, non pas pour faire plaisir aux gens, mais pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu. Deuxièmement, le fait que tu demandes l'aide d'Allah dans cela. En effet, Allah azzawajal a dit, Fa'budhu wa tawakkal alayh. Fa'budhu, excusez-moi. Fa'budhu wa tawakkal alayh. C'est-à-dire, adore-le donc et place ta confiance en lui. Et nous avons dans Sourate Al-Fatiha une incitation quant au fait de demander l'aide d'Allah. Dans le verset dans lequel Allah azzawajal a dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et dans un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. C'est-à-dire, sois diligent quant à l'accomplissement de ce qui te sera bénéfique et demande l'aide d'Allah. C'est concernant la demande d'aide. Donc on a vu l'ikhlas, c'est la demande d'aide vis-à-vis d'Allah. Et ala amrillah, c'est-à-dire que tu te dois de te dévouer à Allah conformément à ce qu'Allah veut que tu fasses. Et ceci a été mentionné dans Sourate Hud, dans le verset dans lequel Allah azza a dit, Fastaqim kama umirt. C'est-à-dire, sois sur la droiture comme il t'a été ordonné de l'être. Et pour la faïda, lorsque justement le serviteur dit, yani comme le prophète a dit, Qul, amantu billahi thumma staqim. C'est-à-dire, dans la sunna, il y a le même sens que dans le verset. Le fait de dire, j'ai cru en Allah et thumma staqim. Puis, sois sur la droiture. Il y a dans cette formulation du hadith les deux conditions de validité des œuvres. Qul, amantu billah, dis j'ai cru en Allah, c'est-à-dire voulu un culte exclusif, sincère pour Allah. Thumma staqim, puis soit sur la droiture, c'est-à-dire conforme à la sunna. Car les actes, s'ils ne sont pas accomplis sincèrement pour Allah et conforme à la sunna, ceci ne sera pas accepté de toi. Le neuvième, pardon, le septième, excusez-moi, septième principe, c'est que le serviteur, quel que soit le degré de droiture et de piété qu'il atteint, excusez-moi, il ne doit pas se reposer sur cela. Car on sait que la personne ne rentre pas au paradis par ses œuvres. Il rentre au paradis de par la miséricorde d'Allah. Mais la miséricorde d'Allah est obtenue parmi les causes d'obtention de la miséricorde d'Allah, les œuvres pieuses. Mais on ne doit pas se dire et devenir un but de sa personne, devenir hautain, devenir vantard, parce qu'on a des adorations. Beaucoup de gens étaient des dévoyés avant Ramadan, puis ils ont fait la prière pendant 30 jours, ils pensent que c'est des gens qui sont meilleur que les autres. Et des fois, on voit d'un œil du blâme et du mépris des gens qui font la prière depuis 10 ans, qui sont beaucoup plus pieux qu'eux. Ils pensent qu'ils sont meilleurs qu'eux parce qu'ils ont tenu un mois. Mais le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas après le moment. L'important, c'est la constance et de ne pas devenir un but de sa personne. Il faut rester modeste et humble. Et donc, c'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, ce qui est demandé au serviteur, c'est la droiture qui est l'exactitude. Et s'il n'en est pas capable, c'est de s'en rapprocher. Et s'il renonce à cela, alors c'est la négligence et la perte. Comme ceci a été rapporté dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, atteignez l'exactitude, c'est-à-dire œuvrez de la bonne manière, de la manière qui sied, ou rapprochez-vous-en autant que possible et réjouissez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul n'entrera au paradis par ses œuvres. Les Sahaba ont dit, même toi, au messager d'Allah, Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, même moi, à moins qu'Allah ne me couvre de son pardon et de sa miséricorde. Le huitième principe concernant la droiture. Il y a deux ponts sur lesquels les serviteurs cheminent et finiront par cheminer. Il y a un sirat spirituel, un chemin spirituel sur lequel on chemine en ce moment. Et il y a un chemin réel sur lequel les croyants chemineront pour entrer au paradis. Qui peut me parler de ce deuxième chemin? De quel chemin on parle? Le chemin qui permet de rentrer au paradis. Ah. Tu lèves la main, après tu renonces. Allez, bravo. Non. Arsène, le pont suspendu au-dessus de l'enfer. Les ulémas ont expliqué, comme Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin, qu'en fonction de ta droiture sur le chemin d'Allah dans cette vie d'ici-bas, on sera alors la droiture sur le chemin au-dessus du feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a deux chemins. Quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, quel chemin est voulu? Est-ce que c'est un chemin qui a des panneaux sur lesquels tu roules en voiture, en vélo ou à pied? Là, c'est un chemin spirituel, c'est-à-dire la religion d'Allah, le droit chemin. Si tu chemines droit dessus, en te prémunissant des pulsions vers les choses haram, et tu te prémunis des ambiguïtés dans la religion et des doutes dans la religion, tu seras droit sur le sirat. As-sirat, qu'est-ce que c'est? As-sirat, c'est le pont qui est suspendu au-dessus de l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit, il n'y a pas l'un d'entre vous sans qu'il n'y passe. Et donc tous ceux qui rentreront au paradis vont être amenés à passer sur ce sirat. Et donc ils vont cheminer dessus. Et quiconque passe de l'autre côté de sirat est sauvé. Et donc en fonction de ta droiture dans cette vie d'ici-bas sur le chemin spirituel, la religion d'Allah, en découlera ta droiture sur le sirat au-dessus du feu. Car ce sirat au-dessus du feu, il est au-dessus du feu, mais il est aussi fin qu'un cheveu, aussi aiguisé qu'une lame, aussi ardente qu'une braise. Il est glissant. Tu y marches dans le noir. La lumière qui te permet de cheminer dans ces ténèbres-là est en fonction de tes œuvres et de ta foi. Et la vitesse avec laquelle tu chemines sera en fonction de tes œuvres et de ta foi. Donc tu verras directement sur ce chemin-là. Alors que l'enfer est en dessous de toi, tu te réjouiras de tes œuvres d'ici-bas, ou tu te mordras les doigts et tu seras pris de regrets concernant ton laisser-aller et tes manquements dans cette vie d'ici-bas qui se répercuteront lors de ton passage sur cette terre. Donc sois droit maintenant pour être droit là-bas, car c'est impératif. Le neuvième principe. Le fait que, comme on avait mentionné, il y a les choubouhat et les shahawat. Les choubouhat, ce sont les ambiguïtés dans la religion, les pensées sectaires, les idéologies innovées. Et les shahawat, ce sont les pulsions vers le haram. Ça fait partie des obstacles dans le cheminement vers Allah sur la droiture. Comment on les repousse? Bis-sabr wal yaqin. C'est-à-dire bis-sabr, par le fait que la patience t'aidera à te retenir de l'illicite. Et l'yaqin, c'est-à-dire la certitude quant à ta religion, de fait d'avoir connu ta religion, d'avoir appris ta religion correctement, ceci te permettra de repousser les ambiguïtés, les doutes et les mauvaises conceptions dans la religion. Et donc, il est impératif de se prémunir de cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre les voies de l'égarement. En effet, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a rapporté Khatta. Le prophète sallam a tiré un trait sur le sol. Il a dit, ceci est le chemin d'Allah, c'est-à-dire la voie droite. Puis il a fait des petits traits qui partaient de part et d'autre de ce chemin. Il a dit, hadi subul ala kulli sabil minha shaytan yad'u ilayh. C'est-à-dire que ceci, ce sont les voies, les sentiers. Et à chacun de ces sentiers se trouve un démon qui appelle à sa voix, qui appelle donc à l'égarement. Thumma qara'a, puis il a lu le verset de Sourate Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit wa anna hadha siratin mustaqima fattabi'uh, c'est-à-dire, et ceci est mon chemin droit, dans toute sa droiture, suivez-le donc. Wa la tattabi'u subul, et ne suivez pas les voies, les sentiers. Fatafarraqa bikum an sabilihi, qui vous ferait dévier de sa voie. Et ça, c'est un point important également, redouter les ambiguïtés, les égarements et les pensées sectaires. Le fait d'être sur la guidance, c'est une ni'ma. Avoir été guidé vers l'islam, c'est une ni'ma. Avoir été guidé sur la compréhension correcte de l'islam, c'est une ni'ma. Cependant, rien ne te garantit que tu vas vivre et mourir sur cette ni'ma-là. Donc, préserve-la, n'écoute pas les inconnus, n'écoute pas les gens d'innovation et n'écoute pas le premier venu sur Internet et sur YouTube. Ensuite, le dixième principe et le dernier principe de ce soir, c'est qu'un des dangers qui fait dévier de la droiture, c'est le fait d'imiter les gens qui ne sont pas sur l'islam et la pratique de l'islam. C'est-à-dire, al-kafirin. Car en effet, dans les communautés qui nous ont précédés, il y avait des caractéristiques malsaines. Et le problème, c'est que ces caractéristiques malsaines se retrouvent chez les musulmans dans certains contextes. Et les deux manquements sont les manquements concernant la science ou le manquement concernant la pratique. C'est-à-dire que dans les peuples précédents, il y avait des peuples contre lesquels Allah nous a mis en garde dans Sourate Al-Fatiha. Car dans Sourate Al-Fatiha, il y a combien de chemins? Trois. Un à suivre et deux à éviter. Le premier, c'est lorsque tu dis Ihdina Sirat al-Mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de qui? Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Et ceux-là ont été décrits par Allah dans le Coran al-Karim. Min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. C'est-à-dire parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Eux, ce sont ceux qui ont appris la religion et qui ont pratiqué la religion correctement. Qu'Allah m'accorde ainsi qu'à vous de faire partie de ces gens. Mais il y a deux autres voies qui se sont manifestées dans les communautés précédentes et que certains d'entre nous imitent. C'est la voie de ceux qui sont al-mardoubi alayhim, ceux qui ont été l'objet de la colère d'Allah. Pourquoi? Ce sont ceux qui ont connu la vérité, connu les obligations de la révélation, mais qui ne se sont pas soumis et qui ne se sont pas conformés aux ordres divins. Et donc, ils sont l'objet de la colère d'Allah. La deuxième communauté dont, avec laquelle certains d'entre nous ont des similitudes, ce sont Ad-Dallin, c'est-à-dire le chemin de ceux qui sont dans l'égarement. Et ce sont ceux qui adorent Allah sans science. Combien sont nombreux de jeunes chez nous qui, lorsqu'ils adorent Allah, ils font comme ils voient les gens faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli »« Priez comme vous m'avez vu prier ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le hajj, a dit Litakhudhu anni manasikakum, afin que vous preniez de moi vos rites. L'adoration doit être conforme à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas à l'imitation aveugle. Taïb. Donc, de ce fait, il faut éviter la déviance concernant la science et la déviance concernant la pratique. La déviance concernant la science, c'est le fait de ne pas apprendre lorsqu'on veut pratiquer la religion. Donc, on fait n'importe quoi dans la religion. Si tu fais n'importe quoi, ne t'étonne pas. Si Yom Al-Qiyamah, tu n'es pas récompensé par Allah. Voire même, tu pourrais être amené à être châtié par Allah. Car tu aurais innové et inventé peut-être possiblement des innovations dans la religion. Et également, méfie-toi de la déviance dans la pratique. Tu sais que la prière, c'est obligatoire, tu ne pries pas. Tu sais que le jeûne est obligatoire, tu ne jeûnes pas. Tu sais que la zakat te concerne, tu ne l'étudies pas et tu ne t'en acquittes pas. Tu es l'objet de la colère d'Allah. Car tu connais la vérité, mais tu n'obéis pas. Donc Allah nous préserve de ce genre de déviance. Et qu'Allah nous aide afin que nous puissions rectifier nos personnes avant que la mort ne nous vienne. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et à demain soir, inshallah ta'ala, pour une autre thématique, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.